T'as oublié le système judiciaire. Pour toi ce sera la peine de mort. Puis un jour quand tu seras parti avec l'imam Chalgoumi, on fera la fête de la bière et on brûlera tes bougnoules. Belle cadère, sans hacher les mon os me faire cachère. Rentre chez toi faire ta prière. Chez moi fais pas chez la pépière. Seul melon, tout est plus sexy. Lorsque un mari a vaincu, bientôt t'auras tellement la frousse que tu dégueuleras ton couscous. Seul raton, tu me fous la gerbe. Tu nous enfumes avec ton herbe. Pas question d'utiliser de la mort au rat. Tout ce que tu mérites, c'est un point bras. À la mosquée, y'a un imam qui chez lui se tape 36 femmes. Dans l'islam, on n'a pas de vol. Y'a que les bougnoules qui boivent pas d'alcool. Plus à vous, les gros dégénérés. T'es que la race des chimpanzés. Pourtant, ces singes-là sont intelligents. Vous devez être plutôt vivant en temps.